Vers la fin du mois de mai, la pension du baron Hulot fut entièrement engagée par les paiements que Victorin avait successivement faits au baron de Nucingen. Chacun sait que les semestres des pensions ne sont acquittés que sur la présentation d'un certificat de vie. Et comme on ignorait la demeure du baron Hulot, les semestres frappés d'opposition au profit de Vauvinet restaient accumulés au trésor. Vauvinet ayant signé sa main levée, désormais il était indispensable de trouver le titulaire pour toucher l'arriéré. La baronne avait, grâce aux soins du docteur Bianchon, recouvré la santé. La bonne Josepha contribua par une lettre, dont l'orthographe trahissait la collaboration du duc d'Hérouville, à l'entier établissement d'Adeline. Voici ce que la cantatrice écrivit à la baronne après 40 jours de recherches actives. Madame la baronne, Monsieur Hulot vivait, il y a 2 mois, rue des Bernardins, avec Élodie Chardin, la repriseuse de dentelle, qu'il avait enlevée à Mademoiselle Bijou. Mais il est parti, laissant là tout ce qu'il possédait, sans dire un mot, sans qu'on puisse savoir où il est allé. Je ne me suis pas découragée, et j'ai mis à sa poursuite un homme qui déjà croit l'avoir rencontré sur le boulevard Bourdon. La pauvre juive tiendra la promesse faite à la chrétienne. Que l'ange prie pour le démon. C'est ce qui doit arriver quelquefois dans le ciel. Je suis avec un profond respect et pour toujours, votre humble servante. Josepha Mirat.